Join me on R.I.G. Paul, la partie, c'est un toujours de l'exo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four, numéro 512 qui est à l'antenne actuellement sur RIG 90.7. C'est la radio des Beatles le mercredi entre 20h et 22h et 2 minutes. Nous sommes le 24 novembre 2021. Dans 5 jours, je crois, oui, 5. On fêtera malheureusement les 20 ans de la disparition de George Harrison. Alors, on a voulu faire une spéciale Harrison. Harrison, depuis le tout début, sa première apparition avec les Quarrymen ou les Silver Beatles, je sais pas, en tout cas, avant les Beatles tels qu'on les connaît depuis octobre 1962, jusqu'au dernier, Brainwashed. Il y aura donc du Beatles et du George Harrison et du Traveling Wilburys et aussi des copains de George avec McCartney, forcément, Eric Clapton, etc., etc., etc. Donc, je ne vous dis rien. Au début, j'ai voulu vous faire une saga dans l'ordre, depuis la première chanson jusqu'à la dernière. Et puis, finalement, je me suis décidé à embrouiller ça un petit peu. Ça fera un petit peu différemment. Ça sera sympa aussi. Voilà. Donc, je vous propose de nous retrouver sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Et puis, dans le petit intitulé qui est tout en haut, il y a la photo de George. Et c'est là que nous allons pouvoir commenter l'émission pendant 2 heures. Qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute? Bon, rien, rien. Tout va bien. Et si. Chaque semaine, quand je viens à la radio, j'ai un petit mot dans mon casier de la part de la directrice qui dit aujourd'hui ou il y a tel jour, j'ai reçu un don de la part d'un de tes auditeurs ou d'une de tes auditrices. Et donc, merci beaucoup. Voilà. Donc, vous continuez à donner pour la radio. Et franchement, c'est très, très, très sympa. Franchement, moi, je suis très touché parce que je supposais que peut-être que ça ne marcherait pas. Eh bien, ça marche un petit peu grâce à vous. Parce que vous voulez continuer à écouter la saga des Fab Four. Vous voulez continuer ce que les petites radios fonctionnent. Et nous, on a besoin d'aide actuellement. On en reparlera plus tard. Voici la première fois qu'on a entendu parler de Harrison sur un disque. Et attention, c'est Harrison avec Lennon. Ce sera la seule fois d'ailleurs. Cry for a Shadow sur RG. Thank you. c'est la seule et unique fois qu'un instrumental sera co-signé Harrison Lennon. Et Cry for a Shadow, si vous n'avez pas vécu les années 60, on va considérer que je les ai pas vraiment vécu, je suis né en 64, mais si vous êtes, je sais pas, né en 80, 90 ou pire, en l'an 2000, vous ne pouvez sans doute pas savoir que les Shadows ont été un groupe qui ont bien marché dans les années 60, avec notamment des instrumentaux, et comme Apache par exemple, ces deux. Et là, Cry for a Shadow, c'était un clin d'œil aux Shadows. Et tout comme avec Back in the USSR, Paul McCartney avait fait un clin d'œil aux Beach Boys, voyez. Voilà ce que je pouvais dire sur cette chanson. Voici la première apparition à partir du moment où les Beatles sont connus. Je dis à partir d'octobre 62, la première apparition au chant, mais ce n'est pas lui qui l'a composé, de George Harrison. C'est Chains sur l'album Please, Please Me, sorti en 1963. Chains, my baby's got me locked up in chains. Saga des Fab Four rend hommage à George Harrison ce soir dans la saga des Fab Four numéro 512. Till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. I've got no time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come. Come around, leave me alone, don't bother me, don't bother me. Nous sommes passés au début de la première contribution musicale de George Harrison avant même les Beatles, à la première apparition vocale de George Harrison sur le premier album des Beatles. Puis il y a eu également You Like Me Too Much, qui est sur l'album Help en 1965, une année sympathique. Et également, à l'instant, Don't Bother Me, qui est là, la première composition de George Harrison à être enregistrée par les Beatles. Et le premier titre dont il a jamais écrit les paroles. Il la composa en août 1963, alors qu'il était descendu au Palace Court Hotel de Bournemouth. Et les Beatles devaient jouer 6 soirs au Gaumont Cinéma de cette ville, située en bord de mer. C'est durant cette semaine que le photographe Robert Freeman vint les rejoindre pour réaliser le portrait superbe qui orne la pochette de With the Beatles, vous savez, tout en noir. Très très sympa. J'ai composé Don't Bother Me simplement pour savoir si j'étais capable d'écrire une chanson, raconta George. J'étais malade, j'étais cloué au lit. C'est peut-être là qu'est venu le titre, laissez-moi tranquille. Bill Harry, le fondateur du magazine musical liverpoolien Mercy Beat, prétend que le titre a une autre origine. Il semble que Bill Harry ait eu l'habitude de harceler George à chaque fois qu'il le rencontrait, en lui demandant s'il avait écrit quelque chose depuis sa première composition Cry for a Shadow, qu'on a écouté il y a quelques instants, en 1962. Un soir, George allait sortir, j'ai pensé qu'il risquait de me rencontrer, écrivit Bill. Alors il a composé une chanson qui s'appelait Don't Bother Me. Alors là, c'est un avis personnel, mais ce gars-là qui dit, il a composé cette chanson-là pour moi, enfin contre moi, et George Harrison qui dit, j'étais cloué au lit et j'ai simplement composé cette chanson pour voir si j'étais capable d'en composer une, ben moi je crois George, c'est quand même l'auteur, hein, nommé. Allez, faisons une petite réclame pour les Beatles et le meilleur site pour tout savoir sur les Beatles. Lovely Vita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien, allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a

Vous l'avez compris, aujourd'hui, pas d'album de la semaine, mais un hommage à George Harrison, puisqu'il disparaissait il y a quasiment 20 ans. Il ne manque que 5 jours pour faire les 20 ans. Et on aimait bien George Harrison, on aurait bien aimé qu'il puisse continuer à faire des tournées. Après tout, s'il avait pu se libérer, puis se dire, bon, allez, j'y vais, parce que les gens m'attendent, les gens en veulent, ça aurait été bien. Puis il aurait retrouvé John Lennon. Et puis, ils auraient dit, avec Ringo Starr et avec Paul McCartney, ils auraient dit, allez, on va faire des petites tournées juste pour le plaisir, on va passer par Bordeaux, blablabla. Voilà, ça aurait été bien. Bon, en tout cas, Run So Far, cet extrait de l'album Brainwashed en 2002. Mais cette chanson, il l'avait écrite longtemps avant. Il l'avait passée à son pote Eric Clapton, qu'il avait sorti sur l'album Journeyman en 1989. J'aime les deux versions. Yann, sur Facebook, lui, un petit peu peut-être, non objectif, dit qu'il prétend aimer celle de George Harrison. Mais on a le droit d'aimer, d'en préférer une à une autre. Il n'y a aucun problème. Je vous propose là d'écouter une chanson qu'on réécoutera un peu plus loin. C'est la chanson Circle qui date du temps des Beatles et qui ne sortira pourtant qu'en 1982 sur l'album Gontropo. Mais il l'avait travaillé avec les Beatles. Voici la version des Beatles et plus tard, on écoutera la version de George Harrison en solo. C'est très psychédélique, hein. La version finale, celle sortie officiellement en 1982, sera un peu meilleure, un peu moins psychédélique, on va dire. Mais on l'écoutera tout à l'heure. Pour l'instant, nous vous adressons le premier appel au don. Votre radio locale RIG a le don d'émettre depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, pour continuer ses émissions, RIG a besoin de vos dons. Suite à une panne technique, les antennes doivent rapidement être remplacées. RIG est une radio associative non commerciale. Un appel aux dons est lancé pour nous aider à financer cette opération indispensable pour continuer à diffuser. Si vous souhaitez participer et aider RIG à exister, merci de nous contacter par mail. Direction@rigfm.fr. Direction@rigfm.fr. N'oubliez pas que l'appel aux dons est fait pour des raisons simples. Nous sommes une radio non commerciale et que nous n'avons pas d'argent. Il a fallu changer des antennes et c'est assez difficile de survivre dans ces moments-là. Donc, chaque don compte. Si vous pouvez le faire, faites-le, quel que soit le montant. Et c'est surtout pour la survie de la radio. Et aussi, si la radio ne survivait pas, je ne suis pas trop certain d'arriver à retrouver une autre radio pour pouvoir faire la saga des Fab Four. Donc, on va dire que la survie de la saga des Fab Four peut-être aussi lié à la survie de la radio. Merci à ceux qui ont donné, merci à ceux qui donneront, et merci à tout le monde dans tous les cas d'écouter la radio RG 90.7, qui est la radio des Beatles, le mercredi soir entre 20h et 22h. C'est peut-être exagéré, mais différente, oui. Oui. Moins psychédélique, moins... Voilà. J'aime bien celle-là. C'est sur l'album Gontropo, qui n'est pas le meilleur album de George Harrison, sorti en 1982. La saga des Fab Four continue avec un autre titre. Celui-là était sympa aussi. Un an avant, sur Summer in England, voici That's Which I Have Lost. J'ai l'impression de perdre un peu ma voix. J'espère que ça va aller jusqu'au bout quand même. He's fighting the forces of the darkness, limitation, falsehood, immortality, which bore him the way back into the higher world. While his whole being is bewildered, he does not know the thought of action taking refuge inside himself, and he's saying, I need someone to show me, illumine my consciousness, remove the dark from me. And give me that which I have lost. dull head seemed lost, a light from heaven breaking. It flashed in good illumination, made rich his life more than any words can tell. He stood the light, blue precious rain scales were falling from his eyes. It gained the boat of his prison over New Salem. I found someone to show you. Illumine my consciousness, remove the dark from me. And given me that which I had lost. You people don't have time to listen to him. Is it fighting revolutions that keep you back down in the low? The dust of desire before your life will reflect in there. You need someone to show you. Illuminate consciousness. Remove the dark from me. And give you that which you blessed. Want to show me, illumine my consciousness, remove the dark from in me, and give me that which I've lost. You need someone to show me, illumine my consciousness, remove the dark from in me, and give me that which you've lost. Si on revient à cet album Gontropo, qui n'a pas été une grande réussite, l'album ne s'est pas très très bien vendu. À ce moment-là, en 1982, George Harrison en a marre du show business. Et il prend de la distance pendant 5 ans. C'est bizarre, hein, parce que John Lennon prendra 5 ans, mais pas pour les mêmes raisons, entre 75 et 80. Et lui, entre 82 et 87, il cultive son jardin, il fait autre chose, il fait des films, hein. Il a aidé à réaliser des films, notamment pour les Monty Python, mais il ne veut plus entendre parler de musique, enfin il n'a plus envie d'en faire vraiment. Mais en 1987, quand il revient avec l'album Cloud Nine, c'est un grand retour, une grande réussite, notamment grâce à son pote Jeff Lynne. Et dans la chanson qu'on va entendre dans quelques instants, je trouve que le style, enfin, très souvent dans l'album, enfin, on trouve le style de Jeff Lynne, parce qu'il y a une façon de mettre les chœurs, une façon d'appuyer la batterie. Et puis, je ne l'avais jamais entendu au piano comme ça, sur cette chanson Just For Today, qui est une très très belle réussite de George Harrison. Just for today, I could try to live through this day only. Not deal with all life's problems just for today. Problem. Un petit peu différente que je n'avais pas passé depuis longtemps. George Harrison, My Sweet Lord, chanson qu'il a réenregistrée en l'an 2000 pour la ressortie, le remastering déjà de All Things Must Pass. 20 ans plus tard, il nous remasterise encore le All Things Must Pass en promettant qu'il enlève les trois quarts du... Il avait donné son accord, paraît-il. Il enlève les trois quarts de ce que Phil Spector avait fait. Et ça donne de très belles chansons. On va en écouter trois. Isn't It a Pity, What Is Life, All Things Must Pass, à la suite, parce qu'il fallait s'attarder sur cet album-là. That surrounds them. 7, la radio des Beatles. quel bel album, quel George Harrison qui a été vraiment, déçu de ne pas pouvoir mettre plus de chansons dans les albums de Beatles. Il a retenu tout ça et puis il s'est libéré en 1970 en faisant ce triple album absolument fabuleux. Et puisqu'on parle de la séparation des Beatles indirectement, je pense que ça y est maintenant, si vous avez Disney+, vous pouvez regarder le documentaire des 6 heures de Let It Be qui est devenu Get Back et qui nous montre la séparation des Beatles d'une autre façon, c'est-à-dire que moi je me rappelle d'avoir vu le film Let It Be où vraiment on se dit quelle ambiance pesante, qu'est-ce que c'est lourd, c'est vraiment la séparation des Beatles. Et bien ils arrivaient quand même s'il y avait des problèmes, oui ça c'est vrai, ils arrivaient à se retrouver avec la musique, à plaisanter encore, à s'amuser, à être les quatre gamins qu'ils étaient toujours. Après tout, vous avez à peine 30 ans, à 30 ans on est un petit peu gamin, n'en se déplaise à ceux qui ont 30 ans actuellement. Donc je vais regarder ça dans les jours qui viennent parce que je suis très intéressé par me taper 6 heures de Get Back. Je pense que ce sera très très très bien. On revient sur deux masterpieces de George Harrison du temps des Beatles. While My Guitar Gently Weeps, bien sûr je pouvais pas faire autrement, mais dans une version un petit peu différente, la version... la prise 27, la troisième version de cette prise-là, et Here Comes the Sun, extrait d'Abbey Road, c'est maintenant, c'est sur RIG, dans la saga des Fab Four spéciale George Harrison. A 1, 2, 3, 4... Harry, it's okay. I sang, tried to do a Smokey, and I just aren't Smokey. It's been a petit message de la radio. Votre radio locale érigée a le don d'émettre depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, pour continuer ses émissions, érigée a besoin de vos dons. Suite à une panne technique, les antennes doivent rapidement être remplacées. Érigée est une radio associative non commerciale. Un appel aux dons est lancé pour nous aider à financer cette opération indispensable pour continuer à diffuser. Si vous souhaitez participer et aider Érigée à exister, merci de nous contacter par mail. Direction @erigefm.fr. Direction @erigefm.fr. Continuer à exister sont les mots importants. Merci à tous ceux qui ont déjà donné, merci à tous ceux qui donneront, j'espère. Et même ceux qui n'ont pas les moyens de donner, eh bien c'est pas grave, vous y pensez. Et merci, merci, merci. C'est la saga des Fab Four qui continue. C'est la saga. Un temps en arrière, en 1965, avec la basse Fizz. très bon album Living in a Material World de George Harrison en 1973. Un album que je vous conseille d'acheter et vous ne le regretterez pas. Il y a cette chanson, par exemple, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Maintenant, alors c'est pas vraiment une chanson de Noël, mais c'est ce qu'il a fait de mieux qui s'en rapproche puisque ça donne l'impression d'avoir une ambiance de Noël. C'est en 1974 sur l'album Dark Horse. George Harrison nous fait Ding Dong, Ding Dong. The false ring in the true. Pensez qu'il y a une différence quand même entre George Harrison et John Lennon. George Harrison n'a pas renié son passé Beatles. Il s'est trouvé étriqué dedans. Il a trouvé qu'il n'avait pas assez de place et qu'il aurait voulu en faire plus. Mais il a trouvé que le boulot des Beatles était très très bon. Alors que John Lennon, lui, a plutôt dit bon, c'était de la merde, c'était zéro, c'était pas terrible et tout ça. Il était tellement exigeant envers lui-même qu'il n'arrivait même pas à trouver des chansons extraordinaires qu'il a pu faire, John Lennon et les autres, qu'ils ont pu faire donc du temps des Beatles. C'est dommage de renier comme ça à ce point-là, parce que c'était quand même pas mal, hein, les Beatles, voilà. George Harrison s'est aussi affilié avec d'autres personnes, des potes, dans un groupe entre 1988 et 1990 dans lequel les égos étaient mis de côté. Ça l'arrangeait bien, George Harrison. Et quel copain quand même, il y a Jeff Lynne, il y a Bob Dylan, il y a Tom Petty et comment il s'appelle Roy Orbison, voilà, Roy Orbison, pour un groupe éphémère qui s'appelle Traveling Wilburys. Il aurait dû faire des tournées, mais la mort de Roy Orbison a mis fin à cet espoir. Voici deux exemples de ce groupe-là où ils se sont bien marrés ensemble. New Blue Moon et Handle With Care, la suite sur RG. George Harrison en hommage dans la saga spéciale ce soir. Yeah. that's about it to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed in daycare centers and night schools. Handle me with her. Très vite quand on écoute du 100% Harrison. Dans un peu plus d'une demi-heure, ce sera Eric et son fantastique Johnny de A à Z. Mais pour l'instant, voici une nouvelle version de This Guitar Can Keep From Crying, qui date de 1975, la version originale. Et plus tard, il a, comme un peu pour My Sweet Lord, il a tenu à réenregistrer le morceau pour le plaisir. attack, create a fence. I'll put it down to your ignorance. This guitar can keep from crying. This guitar can keep from crying. Cette chanson a été enregistrée, enfin a été créée du temps des Beatles, et le sujet de cette chanson, c'était Paul McCartney. Il disait, vous savez, quand Paul McCartney a dit qu'il avait consommé de la drogue, etc., mais il avait dit à la journaliste, surtout tu dis rien, et que la journaliste forcément avait tout dit, eh bien, globalement, il disait, George Harrison, le plus dur, c'est de te regarder toi-même et de regarder ce qu'il y a sur ton étagère, blablabla. Mais c'est une très très belle chanson, tout comme la suivante, qui est l'une de mes chansons préférées de George Harrison. En 1979, sur l'album qui s'appelle George Harrison, voici Dark Sweet Lady. Et juste après, avant de céder la place à Eric, on terminera l'émission avec seulement du live, et ça va être vachement bien. premier extrait, oui, ça, c'est parti fort. Le premier extrait, en 1993, il reprend du Bob Dylan pour les 30 ans de sa carrière en 93. Absolutely Sweet Mary, George Harrison. hommage à George Harrison sur le Concert for George. Mais ce n'est pas fini. Voici Paul McCartney et Eric Clapton dans While My Guitar Gently Weeps. Ensuite, et pour terminer, ce sera la chanson que vous attendez toutes, tout et tous, avec Eric Clapton et tous ses copains. Still my guitar gently weeps. Et pour terminer cette émission, on ne pouvait pas faire autre chose que de convoquer trois batteurs, une multitude de guitaristes pour un mur de son et cette chanson, Wah Wah, sur RG. aurions dû terminer là l'émission, mais j'ai demandé officiellement une rallonge à Eric, qui a accepté gentiment, parce que je voulais finir cet hommage avec cette chanson de Joe Brown. Song of the happiness that used to be. Soon my eyes will close, soon I'll find repose, and in dreams you're always near to me. I'll see you in my dreams. Je pense que c'était un bel hommage à George Harrison. Merci George pour tout ce que tu as fait. Et merci à Eric de m'avoir exceptionnellement accordé un petit peu de temps supplémentaire. Je tenais à finir avec cette dernière chanson, I'll See You In My Dream. Merci, à très très bientôt et bonne émission. Je sais que ça va être très bien. Jeudi de A à Z dans quelques secondes avec celui qu'on surnomme le roi, Eric, dans quelques instants. Bisous, ciao.